France Culture. Une mémoire radiophonique. En 1971, que répondait Michel Butor en entendant prononcer le nom de Marcel Proust, ceux de Beethoven et de Shelley, les noms de Montaigne et de Rabelais et celui de son camarade Alain Robbe-Grillet? Que répondait l'auteur de Mobile au nom de Calder, au nom de Bossuet? Pour le savoir, il faut l'entendre cette année-là sur France Culture, réagissant à tous ces noms que lui soumettait Pierre Lost, mêlés à d'autres noms et à une foule de mots. Enfance, océan, langage, philosophie, sport, voyage, espace, style, poésie, temps, création littéraire, bonheur, miroir, critique, rêve, gloire, neige. Des mots en vrac composant un ensemble disparate, mais, on va l'entendre, qui faisait pour la plupart écho à quelque chose ou quelqu'un dans la vie et dans l'œuvre de Michel Butor. C'était dans Les mots-clés, au cours d'une émission diffusée pour la première fois le 4 septembre 1971 sur France Culture. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer un certain nombre de noms et un certain nombre de mots que j'ai placés dans un désordre savant, si vous permettez cette expression, et je voudrais vous demander ce que chacun de ces mots évoque immédiatement en votre esprit. L'enfance. Oh, ça, cela évoque beaucoup de choses. Je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est le souvenir d'un carrelage. Et je sais que j'ai passé ma petite enfance dans un faubourg de Lille, alors je situe cette image de carrelage donc dans la banlieue de Lille. Mais je n'ai aucune confirmation de cela. L'océan. L'océan, ça évoque Ronces-les-Bains, l'endroit où je vais passer mes vacances avec mes filles depuis des années. Et ça évoque à la fois les traversées vers l'Amérique, aussi bien du nord que du sud, et puis la marée en opposition avec la Méditerranée. Shelley. Shelley, eh bien ça évoque la classe de seconde au lycée Louis-le-Grand, où un professeur d'anglais, très médiocre, a eu la bonne idée de nous faire lire l'Ode au vent d'ouest, ce qui a provoqué chez moi la composition d'innombrables odes. Séoul. Séoul, eh bien, j'y suis allé il y a quelques années et j'y ai eu une petite aventure. J'ai eu une panne dans la boue avec un professeur, le seul professeur de français en Corée à cette époque-là. Le langage. Oh, le langage, c'est mon élément, c'est ce avec quoi je me bats jour et nuit, parce que je crois que je me bats avec le langage autant quand je dors que quand je veille. L'Égypte. Ah, l'Égypte, ça c'est presque ma seconde patrie. J'ai passé un an en Égypte il y a une vingtaine d'années et j'y ai beaucoup appris. C'est presque une seconde patrie, en particulier parce que c'est l'endroit où j'ai en quelque sorte appris une seconde fois ma langue maternelle. C'est l'endroit où j'ai recommencé mon apprentissage du français. La philosophie. Oh, la philosophie, ça c'est mon adolescence. J'ai été étudiant de philosophie et peu à peu je me suis séparé de la philosophie et j'ai eu beaucoup de mal à abandonner un certain nombre de mauvaises habitudes du langage philosophique. J'ai mis beaucoup de temps à biffer des phrases qui venaient de l'enseignement philosophique de la Sorbonne, que je reconnais terriblement chez les autres, Oui, c'est un peu l'adolescence. C'est quelque chose que j'ai repoussé tout en le conservant, bien sûr, à l'intérieur. Enfin, je suis incurablement philosophe. Le sport. Ah, le sport. Eh bien, le seul sport que je pratique véritablement, c'est la conférence, qui est pour moi une sorte de sport. C'est un exercice physique. C'est un peu comme les gammes pour un pianiste. Sinon, je n'ai jamais été un sportif à proprement parler. Mais l'exercice du corps est quand même quelque chose qui m'est tout à fait nécessaire. Pour écrire, j'ai besoin de marcher. Si je ne peux pas marcher un certain nombre d'heures dans la journée, ça ne marche pas bien. C'est le cas de le dire. Jules Verne. J'aime beaucoup Jules Verne. C'est un auteur passionnant. Et il y a longtemps déjà, j'ai écrit un essai sur Jules Verne. Et au moment où j'ai écrit cet essai, dans un numéro spécial qu'avait publié une petite revue qui s'appelait Arts et Lettres, j'ai en quelque sorte ouvert une porte sur cette œuvre-là et je suis très heureux de voir que maintenant Jules Verne est considéré d'une façon tout à fait courante comme un grand écrivain, et ce qui, je crois, est la vérité. C'est un écrivain passionnant que l'on commence seulement à étudier, mais qu'on étudie maintenant très bien. Le voyage. Ah, le voyage, c'est mon vice. Enfin, disons, c'est mon second vice, le premier vice étant la littérature. Mais ça, c'est le second vice. C'est un vice parce que, à la fois, je ne peux pas m'en passer, et en même temps, je suis perpétuellement en train d'essayer de voyager moins. Je suis comme quelqu'un qui fume, qui voudrait fumer moins. Eh bien, là, pour le voyage, je voudrais voyager moins. Je prends tout le temps de bonnes résolutions, et puis, je suis tellement fasciné par le voyage, j'ai tellement envie de voyager que lorsqu'une proposition intéressante arrive, je suis incapable de dire non. Si on me demandait... Alors évidemment, il y a des voyages qui me tentent plus ou moins. Il y a des pays pour lesquels il m'est assez facile de refuser de partir. Mais il y en a certains pour lesquels, si j'avais une invitation, je partirais demain. Je laisserais tout pour partir. Quel pays ? La Chine d'abord. Et puis, quelques autres pays où je ne suis jamais allé. Le Pérou, l'Iran, le Mexique. Mais le Mexique, je le mets en dernier parce que je suis si sûr d'y aller un jour que je n'ai pas tellement besoin de l'invitation, tandis que pour d'autres, je suis moins sûr. Pourquoi particulièrement la Chine ? C'est une civilisation tellement grande et tellement inconnue. Et je pense aussi bien à la Chine ancienne qu'à la Chine actuelle. Pour la Chine actuelle, c'est un pays tellement important et dont on connaît tellement peu, hein, ben. Alors y aller, regarder ce à quoi ça ressemble, ben, c'est irrésistible pour moi. Beethoven. Ah, oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un très grand musicien. Et c'est un des musiciens qui me touche le plus, oui. Il y a d'autres musiciens qui me touchent autant que Beethoven. Mais il se trouve que c'est un des premiers, c'est pas le premier musicien sur lequel j'ai écrit quelque chose, non. C'est peut-être le premier musicien ancien sur lequel j'ai écrit quelque chose. Mais ça ne sera sans doute pas le seul, ça viendra. L'invention romanesque. L'invention romanesque, eh bien, c'est le pain quotidien de chacun. Tout le monde passe son temps à faire des romans. Nous faisons des romans en racontant notre vie et en racontant la vie des autres. Tout ça, ce sont des romans. Le romancier est celui qui comprend qu'il écrit des romans. L'espace. Ah, l'espace. C'est tant de choses, l'espace. C'est quelque chose de très proche à la fois, l'espace d'une chambre, d'une maison, la façon dont les objets avec lesquels on travaille sont disposés autour de vous, et puis la façon dont les gens aussi sont disposés. Et puis alors, c'est l'espace de la Terre, enfin, la façon dont le paysage et la foule jouent ensemble. Et j'ai de plus en plus besoin d'espace. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir devant les yeux un paysage suffisamment ouvert. Et puis alors, c'est le paysage au-delà même de ce que l'on voit, c'est-à-dire l'endroit où se promènent les cosmonautes et où j'espère bien que j'irai un de ces jours. Enfin, je serais ravi d'aller sur la Lune, enfin, d'aller me promener sur la Lune. Ça m'arrivera, c'est très probable. Le style. Ça, c'est une vieille notion à laquelle il est difficile de donner un sens précis maintenant. Ça veut dire aussi, ça a tant de choses à la fois. C'est ce qui distingue la façon dont quelqu'un écrit de la façon dont quelqu'un d'autre écrit, ou la façon dont on écrit dans une période de la façon dont on écrit dans une autre période, ou bien dont on peint dans une période et dont on peint dans une autre période. Alors, c'est quelque chose qui ne peut être connu que par autrui, quoi. Je ne peux pas parler de mon style, il n'y a que les autres qui puissent en parler. Michel Butor, la poésie. Ah, ça, c'est mon rêve, enfin. Quand j'étais enfant, enfin, élève et étudiant, j'ai écrit des quantités de poèmes. Et puis, après ça, j'ai essayé de renoncer à la poésie en écrivant mes premiers romans. Et puis, j'y suis revenu. Et maintenant, j'ose de plus en plus dire que ce que je fais, c'est de la poésie. Mais j'ai toujours un peu le trac quand j'emploie un mot comme cela. Cordoue. Ah, c'est très beau. C'est très beau, Cordoue. C'est évidemment la mosquée avant tout. La mosquée avec la cathédrale en son milieu. J'ai envie d'y retourner. Maintenant que vous me dites ce mot, j'ai envie d'y retourner. Le temps. Ah, le temps. Oh, le temps, c'est bien des choses. D'une part, l'élément météorologique. La pluie, le vent, le beau temps. Le soleil, par conséquent. Et puis, d'autre part, c'est les horloges. J'aime autant l'un que l'autre. Rabelais. Ah, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Je suis en train, en principe, enfin, je suis en train, je dis, je devrais mettre au point mes essais sur Rabelais pour en faire un volume. Dans une des nouvelles collections que prépare la maison Larousse. Mais... pour l'instant, je ne peux pas travailler à cela. C'est un des auteurs certainement qui m'ont le plus aidé. C'est un des auteurs qui me passionne le plus, oui. C'est peut-être avec Dante l'auteur qui me passionne le plus. Le lieu. Ah, le lieu, ben, ça ressemble un peu à l'espace, mais c'est plus concret, disons. Je ne dirais pas que c'est plus affectif, parce que pour moi, l'espace, même très très géométrique, est très affectif. Je suis très sensible aux triangles, aux cercles, aux sphères. Enfin, tout ça, pour moi, parle très, très fort. Mais le lieu est plus coloré et plus culturel. San Marco. San Marco, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Après avoir écrit le livre « Description de San Marco », j'ai été invité à être membre du jury de la Biennale de cinéma à Venise. C'était la première fois que je revenais à Venise, ou enfin dans les environs de Venise, depuis la parution de ce livre. Et j'ai éprouvé un véritable trac devant la basilique. Je n'osais pas m'en approcher. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas osé m'en approcher. Et c'est seulement à la fin de mon séjour que j'y suis allé, et ça s'est bien passé. Enfin, la basilique m'a accueilli avec une espèce d'indulgence tendre. La conférence. Et la conférence, c'est un sport pour moi. C'est un exercice aussi. C'est un sport parce que ça me demande une dépense physique, enfin. Je transpire comme un coureur. Et puis, c'est aussi un exercice. Ce sont des gammes pour moi, des gammes très très utiles. Que je fais un peu partout dans le monde, et des gammes faites sur des pianos différents où je peux apprendre peu à peu à contrôler mon toucher. Christophe Colomb. Ah, très sympathique, oui. Un personnage fascinant, c'est très beau, le journal de Christophe Colomb. Alors, C'est un personnage dont on a dit beaucoup de mal, enfin, un grand méconnu. Et je suis toujours fasciné par cette image de cet homme qui a vu, enfin, se présenter pour la première fois ce continent inattendu, dont il ne savait pas ce que c'était, sur lequel il s'est trompé. Enfin, c'est magnifique. La création littéraire. Ah, je n'aime pas le mot création lorsqu'on l'emploie pour la littérature, parce que pour moi, la littérature est un travail tellement dur. Enfin, le mot création implique quelque chose qui est fait de rien, comme ça, par une espèce de un fiat gracieux. Eh bien, chez moi, c'est pas du tout fait par un fiat gracieux. C'est fait à partir d'une sorte de rien, oui, mais d'un rien lourd, douloureux. Et c'est fait à travers un travail, une patience terrible. La mode. La mode, je m'intéresse beaucoup à la mode. La mode est quelque chose de beaucoup moins frivole qu'on ne dit. C'est une des activités de l'esprit les plus importantes. Alors, c'est à la fois bon et mauvais. La mode a évidemment quelque chose de mauvais qui transperce tout, mais la mode n'est mauvaise que dans la mesure où elle n'est pas reconnue. Dans la mesure où on sait que les choses sont de mode, même dans le domaine de l'esprit, eh bien alors, la mode prend toute sa valeur d'art et d'invention. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est de mode et ne se reconnaît pas comme tel. La lecture, eh bien, toute ma vie est organisée vers la lecture d'un autre, enfin, puisque j'écris, que toute ma vie est orientée vers ça. J'appelle toujours la lecture d'autrui. Et la lecture, c'est quelque chose que je voudrais retrouver aussi, parce que je lis beaucoup, certes, mais je lis d'une façon, aujourd'hui, qui est trop orientée vers le travail d'écriture. Et je rêve de pouvoir lire comme je lisais quand j'étais étudiant, lire à l'aventure, lire pour la découverte, comme ça, mais il me faudrait des vacances. Istanbul, j'aime beaucoup Istanbul. Là aussi, c'est un endroit où je voudrais retourner. La première image qui me vient quand on me dit le mot Istanbul, c'est le pont de Galata qui respire sur la Corne d'Or, c'est pas ce pont flottant. Je conserve l'image d'une ville à la fois noire, c'est pas fumeuse, brumeuse, avec une boue noire en particulier, une boue très noire. Autour des plus belles mosquées, il y a cette boue couleur de suie, de goudron ou de mazout. Et en opposition à cette boue noire, il y a bien sûr Byzance sous Istanbul, Byzance avec les mosaïques, le ciel d'or des mosaïques, mais il y a aussi l'Istanbul classique, l'Istanbul du XVIe siècle. Les mosquées de Sinan, ces mosquées cristallines, ces ensembles architecturaux cristallins, gris, qui sont une des... Oui, c'est une des plus belles villes que je connaisse. Montaigne, eh bien, ça représente une aventure pour moi, parce que c'est un écrivain français qui m'impressionnait beaucoup, qui me faisait peur. C'est un écrivain français dont autrefois je pensais que je ne serais jamais capable de parler. Il me semblait très étranger à moi, à cause de ce qu'on en disait. Et puis des critiques ont dit, en parlant de mes livres, qu'il y avait un côté Montaigne, bon, ce qui m'a beaucoup étonné. Et puis un jour, Michel-Claude Jalard, qui dirigeait la collection 10-18, m'a demandé de faire une préface aux essais de Montaigne. Là aussi, j'ai été surpris, mais... J'ai répondu oui, parce que je me suis dit, voilà une occasion de savoir pourquoi des gens trouvent qu'il y a une parenté entre Montaigne et moi. Alors, je me suis lancé dans cette aventure interprétative, et ça a été très difficile. Montaigne est un écrivain très difficile à mémoriser, c'est très difficile de le prendre, il est glissant comme un poisson. Après beaucoup d'efforts, ça a bien marché, c'est un ami. Thank you. Michel Butor, la vérité. Ah, oh, la vérité, oui, ben ça, le mot vérité me rappelle immédiatement la question de Ponce Pilate, bien sûr. C'est la femme par excellence. L'Amérique. Ah, l'Amérique, je dirais, c'est une femme aussi. Vous savez, il y a une élégie de John Donne très très belle. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'est une élégie amoureuse et il déclare à la personne qu'il aime « Ô mon Amérique, ô ma terre neuve ». Eh bien, l'Amérique, pour moi, c'est quelque chose comme ça. Ce monde nouveau découvert par Christophe Colomb, c'est une... Oui, c'est une espèce de femme gigantesque, enfin. Il y a un très... C'est dans le soulier de satin, je crois, de Claudel, qu'il y a un personnage qui parle de l'Amérique, qui est comme une sorte de monstre qu'il faut attraper par la queue, hein, ou attraper par les cheveux. Moi, je dirais plutôt attraper par les cheveux. Et l'Amérique, c'est ça. Pour moi, c'est une... Une femme immense, immense. Et l'attraction de l'Amérique pour moi, c'était d'abord, quand j'y suis allé pour la première fois, c'était d'abord une attraction culturelle. Si vous voulez, les romantiques allemands avaient tous besoin d'aller en Italie, les romantiques français avaient tous besoin d'aller en Orient. Bien aujourd'hui, les écrivains européens ont tous besoin d'aller aux États-Unis. Parce que l'Amérique, c'était d'abord les États-Unis pour moi. Ça a d'abord été une attraction culturelle. Ça reste toujours une attraction culturelle, bien sûr, puisque les États-Unis, aujourd'hui, tiennent une place tellement énorme dans la vie intellectuelle du monde entier. Mais c'est aussi maintenant une attraction physique. Le paysage américain, l'espace américain, alors me séduit d'une façon prodigieuse. Ce changement de dimension, eh bien pour moi, je respire d'une façon nouvelle. Et c'est ça que m'apporte l'Amérique. Mais je ne suis qu'au tout début de mes caresses sur le continent américain. Bossuet. Ah, Bossuet. Voilà, je ne connais pas assez Bossuet. Disons, c'est un grand musicien. Il y a un très bel essai de Valéry sur Bossuet. C'est dans la première variété, il dit, enfin, Bossuet, c'est formidable si on considère ça comme une espèce d'architecture avec des arcs-boutants, etc. Eh bien, pour moi, c'est tout à fait ça. Il y a une sonorité de la langue française qui est prodigieuse, enfin, dans certains moments du texte de Bossuet. Non, c'est un personnage très antipathique, avec des côtés assez mesquins, enfin, une pensée qui, à bien des moments, est assez petite, mais avec un emploi de certains mots qui est quelque chose de magnifique. Rome. Ah, Rome, je dirais, c'est la ville des clés, enfin. Et je dirais aussi, c'est la clé même de la notion de ville. Toute la civilisation occidentale, dans son christianisme, enfin, est orientée vers Rome en tant que capitale perdue, là. La capitale de l'Empire romain, la capitale de l'Église romaine. Et alors, quitter Rome, c'est en même temps quitter la ville. J'ai un très grand attachement à la ville, je suis très attaché à la ville de Paris, mais cet attachement à la ville est devenu de plus en plus ambigu, c'est-à-dire la ville est à la fois quelque chose que j'aime passionnément et quelque chose que je repousse passionnément. Eh bien, Rome est la clé des villes. La bénédiction papale est une bénédiction urbi et orbi, c'est-à-dire que dans le vocabulaire de l'Église romaine, la ville de Rome est considérée comme un équivalent du reste de l'univers, exactement comme en France, Paris est la province, la France à cet égard mimant la Rome des papes et des empereurs. Alors... La ville, pour moi, est quelque chose à la fois que j'aime passionnément et que je repousse. Et dans cette attraction et cette répulsion, une ville comme Paris joue un rôle essentiel, puisque ça n'est pas la ville où je suis né, mais enfin, c'est la ville de toute mon enfance à laquelle je suis très attaché. Et derrière Paris, il y a toujours Rome. Alors, j'ai pour Rome aussi cette affection qui est à la fois positive et négative. Aller à Rome, c'est un délice, et Rome est quelque chose que je repousse. La nuit. Ah, la nuit. Il y a deux nuits. Il y a une nuit obscure pour moi, une nuit épaisse et proche, la nuit dans laquelle je suis perdu, la nuit sans espace, qui me terrorise, qui m'angoisse. Et puis, il y a la nuit lumineuse, la nuit mesurée, la nuit où la lune est claire, ou bien la nuit des constellations. Et cette nuit-là est pour moi presque plus lumineuse que le jour, enfin. J'aime beaucoup la grande lumière du soleil, mais la nuit des constellations, eh bien, c'est l'endroit où le soleil se révèle véritablement comme ce qu'il est. L'arbre. J'aime beaucoup les arbres. Ça me rappelle plusieurs choses dans la littérature, là, dans l'immédiat. Un des premiers livres de Claudel s'appelait L'arbre, qui comprenait plusieurs choses. Et puis, je me souviens, dans Les Déracinés de Barrès, il y a l'arbre. Vous savez, il y a cette scène très belle de l'arbre que Hippolytène va voir sur l'esplanade des Invalides. Et j'aime regarder des arbres. C'est un des plaisirs de Nice pour moi que la variété de la population sylvestre, si je puis dire. De l'appartement où nous sommes à Saint-Laurent-du-Var, je vois des arbres très variés. Des arbres européens, comme on en voit d'habitude, des chênes, des hêtres, des arbres comme ça. Et puis des palmiers, et puis des eucalyptus, des araucarias. Alors palmiers, eucalyptus, araucarias, ce sont des versions du thème arbre très différentes du chêne. Alors chaque espèce d'arbre a pour moi une personnalité très présente. L'olivier, par exemple, c'est tout à fait différent des arbres des forêts de l'Île-de-France. Je me sens une espèce de parenté avec les arbres. Et alors l'arbre m'évoque aussi la Genèse, le premier livre de la Genèse, et le paradis terrestre, et le pommier, ce que j'appellerais le pommier fondamental, l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas ? L'arbre de la science du bien et du mal. L'argent. Bon, l'argent, c'est la monnaie, les billets, etc. Ça, c'est une plaie à quoi, malheureusement, il faut penser tout le temps pour nourrir, vêtir et éduquer quatre filles. Et puis, c'est aussi un métal. Alors, le métal, je l'aime beaucoup. C'est un très beau métal, c'est un métal qui a un son très, très joli. L'humour. Eh bien, je me souviens que lorsque j'ai publié mes premiers livres aux éditions de Minuit, mon éditeur, Jérôme Lindon, m'a posé la question suivante. Est-ce que vous avez de l'humour ? Et est-ce qu'il y a de l'humour dans vos livres ? Question à laquelle je n'ai pu répondre naturellement que par un sourire. Le champagne. Le champagne, eh bien, j'aime assez, mais pas tellement. Mais c'est lié pour moi à des histoires de famille. Parce que du côté de ma grand-mère maternelle, j'avais des ancêtres champenois. J'ai donc une petite mythologie familiale du champagne. Michel Butor, le bonheur. Ah ben, le bonheur, je le cherche. Oui, je le cherche, bien sûr. Je le cherche non seulement pour moi, mais pour mes proches, parce que s'il n'était pas pour mes proches, il ne pourrait pas exister pour moi. Et de proche en proche, pour tout le monde. Alexandre Calder. Ah, c'est un grand artiste. C'est un exemple admirable d'adulte qui a réussi à conserver toute son enfance. toute son enfance dans son esprit et dans ses doigts, ce qui fait qu'il est aujourd'hui une espèce d'enfant géant, n'est-ce pas, d'enfant gigantesque. J'admire beaucoup, beaucoup Calder. L'Inde. Je n'y suis jamais allé et je voudrais évidemment y aller. J'ai une espèce de trac aussi en ce qui concerne l'Inde. Je n'ai pas envie d'y passer 24 heures. Enfin, je vais aller en Australie à l'automne prochain. Je pourrais évidemment m'arrêter en Inde au retour. Mais non, je crois que ça ne vaut pas la peine de s'arrêter 2 jours. Non. Mais j'espère bien que un de ces jours, je pourrai aller me plonger un peu dans l'Inde. Oui, ça me manque. L'Inde me manque. Marcel Proust. Eh bien, j'ai passé cette année à faire un séminaire sur Marcel Proust et je suis en train d'écrire un nouvel essai sur Proust. Ce séminaire avec les étudiants de la faculté de Nice a été très fructueux. J'ai découvert des choses nouvelles sur Proust, des choses que je ne savais pas. Enfin, j'ai trouvé toutes sortes de nouveaux aspects. Alors, je vais écrire un nouvel essai qui, naturellement, sera quelque peu scandaleux pour des Proustiens orthodoxes. Il leur faudra sans doute quelques années avant de s'habituer à cette nouvelle façon de voir les choses. Le singe. Oh bien, le singe, alors, pour moi c'est un livre, bien sûr. Et alors, dans ce livre, vous savez, dans le Moyen-Âge, c'est la figure de l'artiste, et en particulier de l'alchimiste, qui est le singe de la nature. Le singe, c'est l'imitateur. Avec tout ce que cette notion d'imitation peut comporter d'imagination, d'invention. Et chez les anciens Égyptiens, le dieu Thoth, le dieu de l'écriture, qui est en général représenté par un ibis, est aussi souvent représenté par un singe. Alors, le singe est un animal que je sens très proche de moi, je suis très singe. Et quand j'étais jeune, je devais avoir certaines attitudes assez simiesques. Aujourd'hui, bien sûr, je me suis un peu raidi. Alors, je suis beaucoup moins quadrumane que j'ai pu l'être il y a 20 ou 30 ans. Encore au Cambodge. Oui, c'est un lieu où j'avais envie d'aller depuis longtemps, puis j'ai eu la chance d'y aller. En revenant du Japon, j'ai eu la chance de m'arrêter quelques jours au Cambodge. Je m'y suis arrêté beaucoup trop peu de temps. J'ai eu une belle aventure, là, une pluie magnifique, mais il faut que j'y retourne. C'est un lieu de méditation, j'ai à peine commencé avec Angkor. Le démon. Le démon, oh, c'est un vieil ami. Le miroir. Ah, eh bien, dans un de mes livres, il y a beaucoup de miroirs, c'est l'emploi du temps, et il y a des miroirs sphériques en particulier. Je n'aime pas tellement les miroirs, parce que j'aime pas tellement voir ma tête. Je ne me trouve pas tellement sympathique quand je me vois dans une glace, comme ça. Vous voyez, souvent on se promène dans la rue, et il y a des glaces dans des magasins. On s'aperçoit soudain, comme ça. Et cette rencontre n'est pas toujours très agréable. Il me faut un certain temps pour m'habituer à moi-même. Donc, les miroirs ont quelque chose pour moi d'un peu dangereux, hein, d'un peu agressif. Mais ça n'enlève rien à leur intérêt, bien au contraire. Si cette rencontre qu'ils me procurent avec moi-même est souvent difficile, eh bien, c'est une bonne leçon. Bon. Donc, les miroirs ont beaucoup de choses à m'apprendre. Et alors, la métaphore du miroir appliqué à la littérature est quelque chose que je ressens très fortement. Enfin, le livre est un miroir, les livres que je fais sont des miroirs que je tends. Le lecteur doit s'y reconnaître autant qu'il m'y voit moi-même. La critique. Étant moi-même critique, je suis obligé de reconnaître la valeur imminente de la critique. Et j'attends beaucoup, je l'ai déjà dit souvent, j'attends beaucoup de la critique. Et il est arrivé quelquefois que des critiques me disent des choses qui m'ont intéressé sur mes propres livres. Je peux vous donner 2 exemples. J'ai 2 exemples présents à l'esprit. de points de détail sur lesquels des critiques m'ont apporté une lumière dont j'ai dû reconnaître la justesse. Et ça, c'est merveilleux. Ainsi, par exemple, Le portrait de l'artiste en jeune singe est un livre où le nombre 7 joue un rôle considérable. Ceci à cause de la valeur éminente du nombre 7 comme opérateur dans la civilisation occidentale. Et un critique a remarqué que le titre du livre était formé de 7 mots. Un portrait de l'artiste en jeune singe. Ce que je ne savais pas, mais évidemment, ce qui est la vérité. C'est-à-dire, ce fait n'est pas un hasard. Disons, mon oreille a choisi le titre qui répondait à cela. Et un autre critique, à propos de mon livre Degré, a remarqué que les personnages principaux avaient des noms qui étaient des noms d'instruments de mesure. Les personnages principaux s'appellent Vernier et Heller. Vernier, bon, évidemment, c'est un instrument de mesure. Et Heller, en allemand, veut dire Ohn, ce qui donne évidemment une mesure ancienne française. La drogue. Ah, eh bien, naturellement, je suis contre la drogue, les trafiquants de drogue, etc. Toute cette exploitation qui, comme l'a bien montré Burroughs, est une espèce d'hyperbole de l'exploitation en général. On peut dire que la drogue est une figure énorme du capitalisme tout entier. Ceci dit, si on réussissait à assainir la drogue, ce qui arrive dans certaines civilisations, où ce qui est considéré comme drogue pour nous est intégré à l'intérieur de systèmes religieux, par exemple, ce qui se passe chez les Indiens d'Amérique, alors cela devient quelque chose de passionnant. Le tabac aussi, c'est une drogue, le café aussi, c'est une drogue. On peut très bien imaginer des civilisations où le café soit interdit. Nous ne connaissons que trop de civilisations où l'alcool est interdit. Enfin, dans tout l'islam, l'alcool est interdit, ce qui fait que l'alcool se met à prendre des valeurs à la fois intéressantes dans la poésie et à la fois très mauvaises, parce que cela permet des trafics, etc. Mais les drogues, si elles réussissent à être assainies, deviennent des métaphores très intéressantes, très utiles, de l'activité intellectuelle, et en particulier de l'activité littéraire. La vraie drogue, pour moi, comme pour Baudelaire, c'est la poésie elle-même. C'est là que ce que les gens cherchent, ce que certains cherchent par l'intermédiaire de drogues comme le hashish, l'opium ou d'autres trucs comme ça, même le LSD, c'est à travers ça, c'est à travers ce travail pour le langage qu'on l'atteint en réalité. Rob Grillet. C'est un camarade. Je ne le fréquente pas beaucoup. Je ne le vois pas très souvent. J'admire ses livres. Le rêve. Eh bien, je rêve assez peu maintenant. J'ai rêvé beaucoup quand j'étais jeune et j'ai fait de très beaux rêves. Je veux dire non seulement des rêves agréables, mais des rêves très précis. Hein, des rêves dont les images étaient extrêmement poussées. Il y a des rêves que j'ai faits il y a 20 ans ou 30 ans dont je puis encore retrouver des images. Mais aujourd'hui, je rêve assez peu la nuit. Je rêve bien sûr un peu, mais ça n'a pas grande importance. Je tombe de sommeil comme une masse, enfin je dors comme un plomb. Et le rêve chez moi est tellement capté dans le travail sur le langage que je fais pendant la journée que je n'ai, pour ainsi dire, plus besoin de rêver la nuit. La gloire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Lorsqu'on me dit le mot gloire, moi je pense tout de suite au halo, enfin au nimbe qu'il y a dans des... Vous voyez, dans les œuvres de l'art religieux, je pense au sens du mot gloire dans l'expression corps glorieux. Alors ça m'intéresse. Sinon, je ne sais pas ce que c'est, enfin. La neige. Ah, la neige, c'est... oui, j'aime beaucoup la neige. La neige, c'est la transformation de la nature en une page blanche sur laquelle, alors, on peut écrire un trajet, soit avec des skis, mais enfin, soit avec des pas. Sur la neige, tout devient signe. S'il y a un paysage qui est recouvert de neige et qu'il y a une feuille d'arbre qui tombe, alors cette feuille d'arbre se met à vivre d'une façon complètement nouvelle devant nos yeux. Elle devient immédiatement un idéogramme. Elle se met à nous parler. Oui, la neige m'apprend beaucoup. La neige est une lumière intellectuelle qui se répand sur la réalité. Le livre de Monel. Eh bien, je me suis intéressé au livre de Monel récemment à cause d'une aventure. Parce que l'année dernière, en allant avec des collègues de l'Université du Nouveau-Mexique à un congrès à l'Université Brigham Young à Provo, Utah, chez les Mormons, j'ai eu la surprise de voir que le professeur de français de cette université était un spécialiste de Marcel Schwab et qu'il avait réussi à réunir dans la bibliothèque de cette université la plus grande collection de manuscrits de Marcel Schwab qui existe au monde. Alors le caractère inattendu enfin, de cette présence de Marcel Schwab au milieu des Mormons m'a amené l'année dernière à relire Marcel Schwab. Et en particulier le livre de Monel que j'ai utilisé pour produire toutes sortes de résonances. Voilà. Les hippies. Ah, j'aime beaucoup les hippies. Ils sont très, ce sont des gens profondément sympathiques qui sont en train de transformer sourdement, comme ça, souterrainement, qui sont en train de transformer la mentalité américaine et la moralité américaine. Et à travers ça, naturellement, celle du reste du monde aussi. C'est un phénomène beaucoup plus important qu'on ne pense d'habitude. Le premier amour. Pour moi, je crois que c'est le seul. C'est-à-dire, je suis perpétuellement légèrement amoureux, vous voyez. Je suis très intéressé par les gens qui passent, et je dirais de quelque sexe qu'ils soient. Mais il y a dans ma vie un amour absolument pivotal. Voilà, et le seul. La mort. La mort... C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre au tragique. Enfin, notre civilisation est une civilisation qui est caractérisée par rapport à d'autres par l'occultation de la mort. La mort en Occident est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est comme si on ne savait pas que les gens meurent. Quand quelqu'un meurt dans une famille, c'est une espèce de scandale abominable. Ou bien quand un ami meurt, vous voyez, dans le monde littéraire parisien, quelqu'un meurt... tout le monde s'étonne, alors que non, on ne devrait pas. C'est comme si on n'avait pas été prévenu, n'est-ce pas? Alors que non, on le sait, les gens meurent et on mourra soi-même un jour et c'est très bien. L'essentiel. Ah, l'essentiel. Oh, c'est un terme trop philosophique pour que je puisse y répondre. Enfin. J'aurais envie de répondre par une pirouette, enfin, disant que ce qui est essentiel, c'est l'inessentiel, etc. Mais je préfère... non, je préfère passer. Dernière question, Dieu. Dieu, c'est un mot trop vague aujourd'hui pour qu'on puisse répondre même à la question de son inexistence. Dieu s'est tellement éloigné de nous qu'on ne peut même plus dire qu'il n'existe pas. C'était Michel Butor, au micro de Pierre Lost, dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 4 septembre 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Just to come.